إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 48 dans la série des durus de l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, Kitab Al-Hajj, c'est-à-dire le livre qui parle des règles qui ont rapport avec le Hajj. Donc le premier chapitre dans ce kitab ou dans ce livre, c'est Babun fi al-Hajj wa ala man yajib, c'est-à-dire au sujet du Hajj et de pour qui et des règles ou l'explication de pour qui il est obligatoire de faire le Hajj. Donc le cheikh il dit al-Hajj huwa ahadu arkan al-Islam wa mabanihi al-'idham. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي لله على الناس فرض واجب وهو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc, ok. Après le Cheikh il dit: فَسَمَّى تَعَالَى تَارِكَهُ كَافِرًا وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ وَآكَدِيَّتِهِ فَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَالَ تَعَالَى لِخَلِيلِهِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ. Donc, on va commencer par ce passage. Le cheikh, il explique que le Hajj, ça fait partie des grands piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam. Et, yani, c'est un des plus grands piliers de la religion. Et il mentionne le verset 97 dans Surat Ali Imran. Il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, c'est un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire à Mecca, à la Bayt. Al-Bayt c'est Al-Ka'ba, yani. Et à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Donc, le cheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc a ordonné aux hommes de faire le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba. Parce que lorsque Allah dit عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, eh bien, عَلَى, ça implique l'obligation. Et il le fait suivre par l'autre, par la fin du verset qui dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلِ الْعَالَمِينَ, et quiconque mécroit, alors Allah certes se passe de tous les mondes, de l'univers en entier. Et donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a donc appelé la personne qui abandonne le hajj, il l'a appelé kafir, ومن كفر. Donc il dit que ça prouve l'obligation du Hajj, et que celui qui ne croit pas en son obligation, alors dans ce cas-là, il est mécréant selon l'ijma', c'est-à-dire selon le consensus des savants. Et ensuite, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son khalil, c'est-à-dire à Ibrahim alayhi salam, wa adhin fil nas bil hajj. Yani, ça c'est dans le verset 27 dans sourate al-Hajj, et fait aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Donc ça c'est à ce sujet. Maintenant, le cheikh dit wa al-Tirmidhi wa ghayrihi wa sahahahu an Ali radiyallahu anhu marfu'an من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. شيخ المصين حديث يحطه بعد الترمذي. عن علي بن أبي طالب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده ما قال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث المشكاه. Donc même l'imam al-Tirmidhi lui-même, il a mentionné que c'est un hadith qui est gharib et qui n'est pas connu excepté de cette façon, et il y a eu des dires sur cette isnad, et déjà que Hilal ibn Abdullah, il est majhoul, c'est-à-dire il est inconnu, et al-Harith, il déclare ce hadith da'if, ou bien al-Harith, il est mentionné comme étant da'if dans le hadith. Oui, c'est ça. Donc ça c'est en ce qui concerne ce que l'imam al-Tirmidhi lui-même a dit, et en plus de ça, l'imam al-Albani il le déclare da'if dans da'if Sunan al-Tirmidhi et dans Mishkat al-Masabih, le hadith 2521, et dans Ta'liq al-Raghib également, et celui qui veut regarder dans le Sunan al-Tirmidhi, eh ben c'est le 812, le hadith 812. Donc il est pas authentique ce hadith. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est rapporté selon Ali et d'autres, et il dit qu'il l'a déclaré sahih wa sahahahu, mais probablement que le cheikh il a commis une erreur ici à ce sujet-là. Ok, marfou'an, il dit que celui qui, le hadith il dit quoi? Il dit celui qui possède les provisions nécessaires et la monture qui peut lui faire atteindre la Kaaba et qui n'a pas fait le Hajj, alors ça lui est égal qu'il meure juif ou chrétien. Donc, en voulant dire que celui qui meurt sans avoir fait le Hajj, alors qu'il est capable de le faire et qu'il possède ce qu'il faut de biens et de monteurs, de moyens de transport, et dans ce cas-là, il peut mourir juif ou chrétien, ça lui est égal. Mais, comme on a dit, ce hadith, il est ta'if. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, bunya l'islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا المراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. Donc le cheikh il mentionne par la suite l'autre hadith, celui-là qui est authentique, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit que l'islam est bâti de cinq piliers, le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, l'établissement de la salat et le fait de donner la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à Al-Bayt, c'est-à-dire le pèlerinage à la Kaaba, pour celui qui en possède le moyen. Man istata'a ilayhi sabila. Et qu'est-ce qu'on veut dire par sabil? On veut dire de posséder ce qu'il faut comme provision et de moyens de transport qui peut amener la personne ou qui peut faire atteindre la personne la Kaaba et pour revenir également vers chez lui à sa famille. Donc il doit posséder la provision de yani nécessaire en nourriture pour faire le voyage aller-retour et d'avoir le moyen de transport pour aller là-bas et pour revenir. Donc ça c'est la signification de sabil. Et après le cheikh il dit wal hikma fi mashru'iyyat al hajj هي كما بينها الله بقوله ليشهدوا منافع لهم وليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Donc, après il dit, fal manfa'a min al-hajj tarji'u lil-ibad wa la tarji'u ila Allah ta'ala li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin fa laysa bihi hajatun ila al-hujjaj kama yahtaju al-makhluq ila man yaqsiduhu wa yu'azzimuhu bal al-ibad bi hajatin ilayhi fa hum yafduna ilayhi li hajatihim ilayhi. Donc le cheikh il explique, il dit là, une des sagesses ou la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hajj, comme Allah subhanahu wa ta'ala le clarifie lui-même dans le Coran lorsqu'il dit dans le verset 28 dans sourate al-hajj, il dit liyashhadu manafi'a lahum, pour qu'ils soient témoins de des choses bénéfiques pour eux, hein, pour participer au avantages qui leur ont été accordés, aux bienfaits qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en un nombre de jours calculé, un nombre de jours fixe, hein, et sur les bêtes qu'ils ont préparées qu'il leur a attribué, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux et le misérable. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur ihram et qu'ils se nettoient le corps, et qu'ils remplissent leurs vœux, le vœu qu'ils ont fait, et qu'ils fassent les circuits de al-Bayt al-Atiq, c'est-à-dire la maison antique ou l'ancienne maison. Naam, donc ça c'est les explications à ce sujet-là. Donc ça montre plusieurs bienfaits de l'obligation du hajj. Liyashhadu manafi'a lahum. Il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de biens dont on peut être témoin lorsqu'on va dans le hajj, et on peut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et mentionner son nom et invoquer son nom dans un nombre de jours calculé. Et tout ça, bien entendu, c'est une des grandes formes d'adoration. Et le bienfait de cette adoration-là revient au serviteur lui-même et non pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut bien se passer de l'univers entier. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa créature, mais c'est bien entendu la créature qui a besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin des hujjaj qui viennent pour visiter sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ces créatures-là, mais c'est les créatures elles qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont besoin de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et donc de se diriger vers cet endroit pour comme on a dit être témoin de tout ce bien là. Wal hikmatu fi ta'khir fardiyyat al-hajj 'an as-salati waz-zakati was-sawm li'anna as-salat 'imad ad-din litakarrurha fi al-yawm wal-layla 5 marrat thumma az-zaka لكونها قرينة لها في كثير من المواضع ثم الصوم لتكرره في كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام سنة 90 من الهجرة كما هو القول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكانت سنة 10 من الهجرة، واعتمر أربع عمر. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il y a une sagesse, pourquoi le hajj a été retardé dans son obligation, dans le sens pourquoi le hajj a été ordonné en dernier, après la salat, après la zakat et après le jeûne. Le cheikh, il dit que parce que la salat, c'est le pilier de la religion, hein, imaduddin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith, et parce qu'elle se répète 5 fois durant la journée, donc c'est quelque chose qui est... il y a un courant qui se répète souvent. La zakat, elle est associée à la prière dans plusieurs versets dans le Coran et même dans les hadiths. Donc, on voit qu'il y a un lien entre les deux et ça se répète à chaque année ou bien pour ceux qui ont les moyens. Et le jeûne se répète à chaque année également. Donc, on voit pourquoi ces piliers-là ont été ordonnés en premier. Puis, le cheikh, il dit que le hajj dans l'islam, il a été ordonné à la 9e année de la hijra, après la hijra. Ça, c'est la position de la majorité des ulama. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'une seule hajj durant sa vie. Et c'est le dernier hajj, le hajj d'adieu, hajjatul wada. Et ce hajj s'est passé, c'est-à-dire le hajj d'adieu s'est produit l'année 10 de la hijra, c'est-à-dire la 10e année après la hijra. Et il a fait 4 umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. والمقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفاء والمروة لإقامة ذكر الله. Le cheikh, il rapporte, en fait il dit que le but du hajj et de la umrah, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un lieu dans lequel Allah a ordonné qu'on l'adore. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait de lancer les jamarat, lancer les jimar, et de faire le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, c'est dans le but d'établir le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est rapporté dans un hadith selon Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon Aisha radiallahu anha. Donc ça, c'est le but du hajj, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'umrah aussi. Donc après, le cheikh dit: والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام وهو فرض في العمر مرة على المستطيع وفرض كفاية على المسلمين كل عام وما زاد على حج الفريضة فهو حق أفراد المسلمين فهو تطوع. Le cheikh dit que le hajj est obligatoire et que ça c'est selon le consensus des musulmans, et que c'est un des piliers parmi les 5 piliers de l'islam, et c'est obligatoire une fois dans la vie pour celui qui en est capable. Et c'est fard kifaya pour le reste des musulmans à chaque année, c'est fard kifaya pour les musulmans. Dans le sens que c'est obligatoire pour celui qui est capable de le faire une fois dans sa vie. Ça, c'est obligatoire selon l'ijma. Et ça, c'est le pilier de l'islam. Toutefois, si quelqu'un l'a déjà fait, il peut le refaire à chaque année. Ça, c'est fard kifaya. Hein? Et celui qui augmente ou qui fait plus que le hajj obligatoire, c'est-à-dire il a fait le hajj obligatoire une fois, puis il le refait par la suite, eh bien, c'est compté pour lui comme étant un hajj, disons, supplémentaire ou volontaire. D'accord? Et donc, c'est ça. Et c'est un surplus dans son cas. أما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى قال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فزاد فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره نعم وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم donc le cheikh ici il dit que l'umrah aussi c'est obligatoire selon la position de plusieurs ulama et la preuve de l'obligation de l'umrah c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé ou lorsqu'il a été questionné est-ce que les femmes ont un jihad est-ce que les femmes ont part au jihad Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, elles ont un jihad qui est obligatoire pour elles, et c'est un jihad dans lequel il n'y a pas de combat. Et c'est le Hajj et l'Umrah. Et ça c'est rapporté selon Ahmad et Ibn Majah avec une isnad qui est sahih. Comme le Cheikh il dit, c'est rapporté selon Aisha radiallahu anha par Ahmad al-Nasa'i Ibn Majah, et à la base il est dans Al-Bukhari. Avec le terme ولكن أفضل الجهاد حج مبرور c'est-à-dire dans Al-Bukhari c'est écrit ولكن أفضل الجهاد حج مبرور un des meilleurs jihad c'est le حج مبرور et le cheikh il dit que si quelque chose est confirmé comme étant يعني obligatoire pour la femme donc pour l'homme c'est encore plus obligatoire dans ce cas-là Le cheikh il dit ensuite qu'il y a une personne qui est venue lui demander en disant « Mon père est très âgé. Hein, il est très âgé. Et il n'est pas capable de faire al-hajj et al-umrah. » Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donc, fais le hajj pour ton père et fais l'umrah pour lui. » Donc il a mentionné les deux ensemble. Ça c'est rapporté par c'est rapporté selon Abi Razin al-Uqayli, selon Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i et Ibn Majah. Et ensuite le Cheikh il dit que c'est obligatoire de faire le Hajj et al-Umrah pour le musulman au moins une fois dans la vie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Hajj est une seule fois. Donc celui qui augmente ou qui fait plus, alors pour lui c'est tatawwu, c'est-à-dire ce sera considéré comme un acte volontaire et supplémentaire. Et ça c'est rapporté selon Ahmad et d'autres parmi les ulama comme Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Le cheikh il dit ensuite que l'imam muslim, il a rapporté dans son sahih selon Abi Huraira, رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ô vous les hommes c'est-à-dire ô les gens on vous a ordonné de faire le hajj alors faites le hajj et une personne parmi les gens a dit est-ce que c'est chaque année ô messager d'Allah et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu si j'avais dit oui ça aurait été obligatoire hein? Mais vous n'auriez pas été capable de le faire chaque année Donc c'était pour réprimander en fait la question de cette personne. En voulant dire, ne pose pas des questions sur, de cette façon comme ça, alors que si ça devenait obligatoire, vous seriez pas capable de le faire comme il faut. Ce serait difficile pour vous. Non. Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite, le cheikh il dit ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. Donc le cheikh il dit que il faut que le musulman se dépêche de faire le hajj. Il faut se dépêcher pour faire le hajj. Il ne faut pas attendre, comme certains qui attendent de devenir vieux et qui croient que c'est juste pour les personnes qui sont âgées que le hajj est obligatoire. Donc il faut se dépêcher pour faire le hajj aussitôt que tu en as la capacité, que tu as les moyens, que tu as le moyen de transport et que tu as les provisions et l'argent nécessaire. Donc il faut le faire, il ne faut pas attendre en disant je vais attendre d'être vieux comme ça, si je le fais plus tard comme ça, Inch'Allah je serai pardonné de mes péchés et puis si je meurs par la suite, ben je serai pardonné par Allah. Tandis que si je le fais maintenant, ben après je risque de vivre plus longtemps, puis par la suite je ferai d'autres péchés, etc. Donc il y en a qui ont cette mentalité ou cette idée-là, et ça c'est incorrect, parce que personne premièrement peut savoir quand est-ce qu'il va mourir. On peut mourir jeune comme on peut mourir vieux, il n'y a pas d'âge spécifique pour la mort. Et en même temps aussi, c'est que retarder le hajj, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour par la suite, parce que le hajj demande beaucoup de force et beaucoup d'énergie, et c'est très difficile. Alors il ne faut pas retarder le hajj, il faut le faire pendant qu'on est jeune, pendant qu'on est fort, pendant qu'on a de l'énergie et qu'on est capable de le faire plus facilement. Donc le cheikh il dit qu'il faut se précipiter, se dépêcher pour le faire, en particulier le hajj, bien entendu le hajj le premier, celui qui est obligatoire, lorsqu'on a la capacité, et que celui qui retarde le hajj sans excuse valable, eh bien, il est dans le péché. Il commet quelque chose de haram du fait qu'il retarde le hajj sans excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dépêchez-vous à faire le hajj, parce que personne ne sait ce qui peut lui arriver. Ça c'est rapporté par Ahmed. Donc quelqu'un qui a la santé, qui a la force physique, qui a les moyens, qui a l'argent, qui a tout, eh bien il doit se dépêcher de le faire et avoir l'intention de le faire, parce que personne ne sait ce qui va lui arriver demain. Quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être avoir un accident, quelqu'un peut mourir. Donc tout ça c'est des choses qui doivent pousser quelqu'un à se précipiter à faire son hajj. Ça c'est rapporté, comme j'ai dit, par l'imam Ahmad selon Ibn Abbas. Ensuite, le cheikh il dit وَإِنَّمَا يَجِبُ الْحَجِّ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ. Le hajj est obligatoire par rapport à 5 conditions. Et les 5 conditions c'est quoi? Le cheikh il dit الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. الشيخ dit que le hajj est obligatoire pour selon ou s'il y a 5 conditions qui sont présentes. La première condition, bien entendu, d'être musulman. Pour le kafir, c'est pas obligatoire puisqu'il n'est pas musulman. Et même s'il le fait, ce serait pas accepté de lui. Al-aql, il faut que la personne ait sa raison. Il ne faut pas que ce soit une personne qui soit folle ou qui a perdu sa raison. Al-bulugh, il faut que la personne ait atteint l'âge de la puberté. Puis on va donner les détails à ce sujet-là. Parce que s'il le fait avant la puberté, ça compte pas comme étant le pèlerinage obligatoire. mais c'est quand même compté pour comme une récompense pour les parents. Wal-hurriya, la liberté, c'est-à-dire il faut pas qu'il soit un esclave. Wal-istita'a, et la capacité. Il faut qu'il ait la capacité. Donc celui qui a rempli ces conditions-là, c'est obligatoire pour lui de faire le hajj le plus tôt possible. Tout de suite, parce qu'il a toutes les conditions respectées. يصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم. Donc l'imam muslim il a rapporté que en fait le cheikh dit que c'est permis ou c'est accepté le hajj de l'enfant. Comme on disait tout à l'heure, je parlais de, il faut qu'il ait atteint la puberté. Donc il y a des détails à ce sujet-là. Si l'enfant est, bien entendu, il n'a pas encore atteint la puberté, c'est l'enfant, il peut faire le hajj et l'umrah, et c'est accepté, mais ça va être considéré comme nafl. Ça va être un nafl, ça va pas être le hajj obligatoire. Parce que, il y a un hadith qui a été rapporté à ce sujet-là par l'imam muslim selon Ibn Abbas radiallahu anhuma qu'une femme a montré un bébé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire elle a élevé un bébé dans les airs et l'a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant est-ce qu'il y a un hajj pour celui-là, c'est-à-dire pour le bébé, est-ce que celui-là il est obligé de faire le hajj ou bien est-ce qu'il peut faire le hajj ou bien est-ce qu'il a la récompense pour son hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant oui, et tu as une récompense pour ça toi aussi. C'est-à-dire que la personne qui fait le hajj avec un enfant, eh bien, il a la récompense en plus de sa récompense, il a la récompense de l'enfant aussi. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا بَلَغَ وَاسْتَطَاعَ وَلَا تُجْزِئُهُ تلك الحجة أو تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذا عمرته. الشيخ dit que les ulama ils sont tous d'accord pour dire que l'enfant s'il fait le hajj avant d'avoir la puberté, alors il doit faire le hajj lorsqu'il a atteint la puberté par la suite. Qu'il l'a fait avant la puberté, ça compte pas comme étant le hajj obligatoire pour lui. Il doit le refaire après qu'il ait atteint la puberté, lorsqu'il a les moyens et qu'il est capable de le faire. Et le fait d'avoir fait son hajj avant d'avoir atteint la puberté, ça ne compte pas pour lui comme étant le hajj de l'islam. La même chose pour la umrah. إذا كان وإذا كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام أو عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. وإذا كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك ويتجنب في حجه ما يتجنب الكبير من المحظورات. Donc le cheikh ici il explique que si l'enfant n'a pas encore l'âge de raison, dans le sens qu'il n'a pas encore atteint l'âge de puberté, et bien entendu parmi les enfants qui n'ont pas encore la puberté, il y en a qui sont capables de juger et de distinguer entre les choses, et il y en a qui sont pas capables, c'est-à-dire ils sont trop petits encore, comme les petits bébés. Ils ils n'ont pas encore de raison pour être capables de distinguer entre les choses. Donc, le cheikh il dit que si c'est le cas, que l'enfant il n'a pas encore tamiz, c'est-à-dire il ne peut pas distinguer entre les choses, il n'a pas encore sa raison qui est développée, et bien dans ce cas-là, c'est son wali qui va faire l'ihram pour lui. Son wali, c'est-à-dire la personne qui est son tuteur ou la personne qui sont ses parents, qui vont avoir l'intention pour lui et qui vont faire l'ihram pour lui. Et ils doivent l'écarter des choses qui, disons, nuisent à son hajj ou qui peuvent rendre son hajj imparfait. Al-mahdourat, comme on dit. Les choses qui sont interdites pour quelqu'un qui est en ihram de faire. Donc, les choses qu'il n'a pas le droit de faire, ils doivent l'empêcher de les faire. Ils doivent empêcher l'enfant de les faire, ces choses-là qui sont interdites durant l'ihram. Et ils doivent faire le tawaf et le sa'i avec lui en le portant. Hein, ou bien en le transportant avec quelque chose, ou un carrosse ou quelque chose avec lequel ils peuvent le transporter. Ou bien des fois il y a des genres de sacs à dos là. C'est pas un sac à dos, mais c'est comme un truc qu'on accroche là pour mettre le bébé sur soi, soit en avant ou en arrière. Ça peut être utilisé. Et donc l'enfant est porté et puis ils doivent l'accompagner à Arafat, à Muzdalifah et à Mina et pour lancer les Jamarat. Toutefois, le cheikh il dit que si l'enfant a atteint l'âge de distinction et qu'il est capable de distinguer entre les choses, dans ce cas-là, l'enfant doit le faire lui-même. Il doit faire son ihram lui-même, le prononcer lui-même et son intention lui-même avec la permission de son tuteur, de son wali. Et il fait ce qu'il est capable de faire parmi les rites du hajj. Hein? S'il est capable de faire ce qu'il est capable de faire, il le fait lui-même. Et ce qu'il n'est pas capable de le faire, son wali, hein, son tuteur va le faire à sa place. Comme par exemple de lancer les pierres à l'jamarat, ou de faire le tawaf et le sa'i. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils vont le transporter par exemple. Et s'il n'est pas capable d'aller lancer les pierres, ben ils vont lancer les pierres pour lui. S'il n'est pas capable de faire le tawaf et le sa'i en marchant tout seul, alors ils vont le porter, s'il n'est pas capable de marcher. Donc, le cheikh il dit, tout enfant qui est capable, qu'il soit en âge de raison ou non, eh bien, tout ce qu'il est capable de faire, comme par exemple de se tenir à Arafat et de dormir à Muzdalifah, alors dans ce cas-là, il faut qu'il le fasse lui-même. Quelqu'un ne peut pas le faire à sa place. S'il est capable de faire quelque chose, dans ce cas-là, il doit le faire lui-même aussi. Et bien entendu, il doit s'écarter dans son hajj, il doit s'écarter de ce qui est interdit de faire pour lui en tant que hajj. Après le cheikh il dit: wal qadiru ala al hajj huwa alladhi yatamakkanu min ada'ihi jismiyan wa madiyan bi an yumkinahu ar-rukub wa yatahammal as-safar wa yajidu min al-mal balghatuhu allati takfihi dhahaban wa iyaban wa yajidu aydan ma yakfi أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. Le cheikh il dit que la personne qui est capable de faire le hajj, c'est la personne qui est capable de le faire physiquement et monétairement ou bien économiquement, financièrement. Donc celui qui est capable de faire le hajj, c'est celui qui est capable physiquement, c'est-à-dire il a la santé, il a la force nécessaire pour le faire, ou maddiyan, c'est-à-dire financièrement il a les moyens. Et ça implique qu'il a le moyen de transport, ou il a le moyen de faire le voyage, soit par exemple qu'il a une voiture ou qu'il a quelque chose, une moto ou un cheval, un âne ou quelque chose, ou bien qu'il a les moyens d'acheter un billet d'avion hein, et des choses de ce genre. Donc ça c'est le moyen de transport, et qu'il trouve la somme nécessaire donc pour aller et pour revenir. C'est pas juste pour aller, puis là-bas il fait il mendie pour trouver de l'argent pour revenir, ou bien qu'il va sans argent et sans provision et qu'il mendie aux gens pour demander de la provision. Là, ça c'est pas correct. De même que c'est pas seulement qu'il lui faut l'argent pour aller et pour revenir et pour manger et pour faire tout ce qu'il a à faire là-bas, mais également il doit fournir à sa femme et à ses enfants et à ceux qu'il est obligé les personnes qui sont sous sa charge et qu'il doit subvenir à leurs besoins. Dans ce cas-là, ces personnes-là, il doit leur laisser l'argent nécessaire pour qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes durant son absence. Il ne faut pas qu'il parte en laissant sa femme et ses enfants et les gens qui sont sous sa charge sans argent et sans nourriture et sans rien. Ça, s'il fait ça, c'est pas correct. Et donc, il faut qu'il laisse à sa famille ce qui est nécessaire pour eux, comme nafaka. Et ça, c'est la nafaka, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont besoin pendant le temps de son voyage, quand il va, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ils doivent avoir ce qui leur suffit. Et également, le cheikh, il dit que, également, il faut que la personne ait payé ses dettes avant de partir et qu'il ait rempli ses droits, hein, et ses devoirs, les choses qu'il a à payer et à régler. Comme par exemple, s'il a des comptes à payer avant de partir, chauffage, électricité, téléphone, des trucs comme ça, hein, il ne faudrait pas qu'il parte et qu'il revienne avec une tonne de lettres, de billes à payer. Hein. Donc, et il doit payer ses dettes s'il a des dettes envers... s'il a des dettes envers, par exemple, un ami ou envers quelqu'un, il ne doit pas partir avant d'avoir réglé ses dettes. Et le cheikh, il dit, « بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. » Et bien entendu, il y a une condition, c'est que le chemin pour aller au hajj soit sécuritaire pour lui et pour ses biens. Après, le cheikh, il dit, فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لزمه أن يقوم من يحج أن يقيم من يحج عنه ويعتمر بحجة وعمرة بحجة وعمرة الإسلام من بلده أو من بلد الذي أيسر فيه. نعم. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه. الشيخ il dit que si tu es capable financièrement mais que physiquement tu n'es pas capable parce que tu es vieux, tu as atteint un âge avancé et tu es devenu une personne très âgée, ou bien que tu es malade d'une maladie dont tu n'espères pas la guérison, et dans ce cas-là c'est obligatoire pour toi de faire le hajj ou d'envoyer quelqu'un faire le hajj ou l'umra pour toi à ta place, hein, le hajj obligatoire de ton pays ou d'un pays qui est plus facile, d'un pays où il y a quelqu'un qui est capable de le faire pour toi, hein, comme ça a été rapporté selon Ibn Abbas qu'une femme de Khath'am est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au messager d'Allah, l'obligation du hajj est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que mon père est très âgé et très avancé en âge, donc il n'est pas capable de rester sur une monture. Est-ce que je peux faire le hajj pour lui à sa place, hein, c'est-à-dire faire le hajj pour lui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, fais le hajj pour lui. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ويشترط في النائب من عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبر ما فقال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر ما إسناده جيد وصححه البيهقي. Donc ça c'est un c'est une explication pour qui vient spécifier ou détailler ce qu'on a expliqué à propos de la personne qui ne peut pas faire le hajj par lui-même. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui va faire le hajj avec lui parce qu'il n'est pas capable physiquement, mais il a les moyens. Il a les moyens de le faire économique. Donc dans ce cas-là, il trouve quelqu'un pour le faire à sa place. Mais il y a une condition, c'est que la personne pour la personne qui va faire le hajj à sa place doit avoir fait son hajj personnel, son hajj à lui obligatoire. C'est-à-dire, s'il ne l'a pas fait, il ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Hein? Et donc, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit qu'il a entendu un homme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire la bayka an shibrima. Hein? Donc il a fait son intention, sa talbiya pour le hajj au nom de quelqu'un d'autre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu as fait le hajj pour toi-même? Et la personne a répondu non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais le hajj pour toi-même en premier et après fais le hajj pour Shubrima. Le nom de la personne c'était Shubrima ou Shubrima. Et là, la personne voulait faire le hajj pour Shibrima, mais il n'a pas fait son hajj à lui pour lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, avant de faire le hajj pour quelqu'un d'autre, fais ton hajj pour toi-même. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et Al-Bayhaqi. Et après le cheikh il dit, وَيُعْطَى النَّائِبْ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ تَكَالِيفُ السَّفَرِ ذَهَابًا وَإِيَّابًا وَلَا يَجُوزُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْحَجِّ ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال وينبغي أن يكون المقصود النائب نفع أخيه المسلم وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. Le cheikh il dit ici que la personne qui va faire le hajj pour l'autre, pour la personne qui n'est pas capable de le faire physiquement, mais donc la personne qui le fait à sa place, il faut que la personne lui donne, la personne qui est malade doit lui donner l'argent nécessaire pour faire le voyage, aller-retour. Et bien entendu le cheikh il explique qu'il n'est pas permis pour la personne de prendre un salaire pour faire le hajj. Et il ne doit pas prendre le hajj comme un moyen de faire de l'argent et de gagner de l'argent. Il doit le faire avec l'intention d'aider son frère et de faire du bien à son frère. Et il va faire le hajj et il visite donc ces lieux-là qui sont des grands lieux de l'islam. Et donc son hajj doit être fait pour Allah et non pas pour la dunya. Et s'il fait le hajj dans le but d'avoir de l'argent, et bien dans ce cas-là, son hajj n'est pas acceptable, n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui fait le hajj pour quelqu'un d'autre, et bien il faut qu'elle le fasse pour le bien de son frère et non pas pour avoir de l'argent ou pour gagner de l'argent. Donc, après le cheikh il dit, « Babun fi shuruti wujub al-hajj ala al-mar'ah » ou ahkam al-niyaba. Le cheikh il dit les conditions pour que le hajj soit obligatoire pour la femme et les règles de la personne au sujet de la personne qui va être représentant de quelqu'un dans son hajj, c'est-à-dire quelqu'un qui peut comme on a dit en dernier tout de suite là, que la personne qui ne peut pas faire son hajj parce qu'elle est incapable physiquement, la personne qui la remplace, les conditions à ce sujet là, on va le mentionner dans ce chapitre inshallah. Le cheikh il dit الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى ولكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة على عما سبق من الشروط وجوب المحرم الذي يسافر معها لأدائه لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لعمرة السفر لحج ولا لغيره بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال أخرج معها وفي الصحيحين إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق وحج مع امرأتك وفي الصحيح وغيره لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها سواء كان السفر للحج أو لغيره وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها وقال أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله المحرم من السبيل فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. Le cheikh il explique maintenant, il dit que le hajj est obligatoire pour homme et pour femme, pour l'homme et pour la femme. Toutefois, il y a une autre condition par-dessus les conditions qu'on a mentionnées pour le hajj lorsqu'il s'agit de la femme. En plus des conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure, de l'islam, de la raison, de la puberté et de la capacité, et également on avait mentionné la liberté, c'est-à-dire la liberté, le fait qu'on n'est pas esclave. Il y a une autre condition pour la femme, c'est qu'elle ait avec elle un mahram. Hein, un mahram, c'est-à-dire un mâle, c'est-à-dire un homme ou une personne de sexe masculin qui est dans sa famille et qu'elle n'a pas le droit d'épouser islamiquement. Ça, c'est le mahram. Hein? Un homme de sa famille qu'elle n'a pas le droit d'épouser islamiquement. Ça peut être le frère, ça peut être le père, ça peut être le mari, bien entendu. Ça peut être l'oncle paternel ou maternel. Hein? Donc, il faut que ce soit un mahram, quelqu'un qui n'a pas le droit d'épouser islamiquement. Et en passant, le cousin, c'est pas un mahram. Hein? Le cousin, c'est pas un mahram. Il a le droit de la marier. Donc, il n'est pas un mahram. Et elle doit se voiler devant lui. Et elle ne peut pas rester seule avec lui. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Le cousin, c'est pas un mahram. Il y en a qui pensent que le cousin, c'est un mahram. Le cheikh, il dit donc qu'il faut qu'il y ait cette condition-là, qu'il y ait un mahram pour voyager avec elle pour faire le hajj. Parce qu'il n'est pas permis pour elle de voyager pour faire le hajj si elle n'a pas de mahram. Donc, si elle n'a pas de mahram, ce n'est pas obligatoire pour elle de faire le hajj. Ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme n'a pas le droit de voyager excepté avec un mahram. Donc, si elle fait un voyage, elle doit avoir avec elle un mahram. Un homme ne doit pas rentrer en sa présence excepté si elle est avec un mahram. Et ça, c'est rapporté par Ahmad avec une isnad qui est sahih. Donc ça, c'est une des règles qui montre que dans l'islam, il n'y a pas une égalité absolue entre l'homme et la femme dans toutes les règles, dans tous les principes. Il y a, dans certains principes, des choses dans lesquelles il y a une égalité entre les hommes et les femmes, mais toutefois il y a plusieurs règles dans, parmi les règles de la charia où il y a des distinctions entre les hommes et les femmes, et donc ça montre qu'on n'a pas le droit d'appeler à une égalité absolue entre les hommes et les femmes, comme les koufars appellent les gens à dire que les hommes et les femmes sont égaux dans toutes choses. Et on voit ici que la femme n'a pas le droit de voyager sans un mahram, tandis que l'homme, lui, il peut voyager tout seul, hein, il n'est pas besoin d'être en présence de quelqu'un pour voyager, tandis que la femme, elle, non. Allah a ordonné que la femme soit avec un homme de sa famille qu'elle n'a pas le droit d'épouser pour avoir le droit de voyager, contrairement à ce que certaines femmes musulmanes aujourd'hui qui sont féministes et qui appellent à dire que non, la femme aussi peut voyager sans mahram. Et de plus en plus on voit ça, des jeunes filles qui partent étudier dans différents pays sans avoir de mahram, même soi-disant pour étudier l'arabe ou pour étudier l'islam, et elles partent comme ça toutes seules pour aller dans des pays musulmans ou même dans des pays de kufr pour aller à l'université ou pour aller étudier dans des pays non musulmans. Et on a eu des histoires de ça, yani des histoires graves qui sont arrivées à la suite de filles qui sont parties de cette façon, qui sont tombées dans des choses vraiment graves, vraiment dangereuses dans leur religion. Et donc ça, c'est quelque chose de haram. Il n'y a aucun doute là-dessus de voyager sans mahram. Et si c'est haram pour la femme de faire le voyage dans le but de faire une des adorations de l'islam et le pilier de l'islam, un des piliers de l'islam comme le hajj, alors qu'est-ce qu'on dirait de celle qui voyage pour quelque chose de la dunya qui est même pas obligatoire, hein, et c'est des, par exemple pour aller étudier dans des universités dans des pays de kufr et des choses de ce genre. Donc ça, c'est encore plus grave et plus dangereux que de partir pour faire le hajj. Et malgré tout, c'est pas permis pour le hajj, et donc pour autre que le hajj, c'est encore moins permis. Donc, il faut que la femme ait un mahram, comme on l'a expliqué. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est venu le voir, et il lui a dit, je veux sortir avec une armée, je veux aller faire le djihad, et je veux partir avec une armée pour aller combattre dans telle et telle armée, dans telle et telle troupe ou régiment. Et ma femme, elle, veut faire le hajj. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sors avec elle faire le hajj. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Abbas. Et le même hadith a été rapporté dans As-Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas aussi, qu'un homme s'était inscrit pour partir dans une bataille, et il a dit, et ma femme est partie pour le hajj. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pars et va faire le hajj avec ta femme, hein, pour pas la laisser partir toute seule, parce que c'est très grave, c'est très dangereux. Qu'est-ce qui peut se produire? C'est des choses très graves. Et Allah al-Musta'an, il y a des exemples, des gens qui parfois même sont venus comme ça pour me raconter leurs problèmes à la mosquée pour trouver des solutions, mais des cas vraiment incroyables de jeunes femmes musulmanes qui ont été envoyées ici dans les pays de Kouf par leurs parents, toutes seules, hein. Et des histoires de fous qui sont arrivées vraiment. Quelqu'un, il ne peut pas comprendre, comment des parents peuvent être à ce point inconscients et peut être à ce point, disons, inconscients et amoureux du gain et de l'argent pour envoyer leur fille, leur jeune fille, soi-disant pour qu'elles aient des gros diplômes, pour qu'elles retournent ensuite travailler pour leur remplir leurs poches. Hein, les poches de leurs parents. Donc ils prennent leur fille et ils sacrifient leur honneur et leur dignité, soi-disant parce qu'ils pensent que c'est des jeunes filles qui sont fiables et honnêtes. Mais bien entendu, elles ne pensent pas à faire le mal, mais le mal tombe sur elles parce qu'elles sont dans la fitna, et les parents savent pas, qu'est-ce qui peut se passer? Donc les jeunes filles, elles pensent que c'est obligatoire d'obéir à leurs parents. Bien sûr, c'est obligatoire d'obéir aux parents. Sauf que c'est pas permis d'obéir aux parents si les parents nous ordonnent de faire ce qui est haram. Et bien entendu, de voyager seul, c'est haram. Et d'habiter avec des hommes dans un appartement tout seul avec un homme qui n'est pas un mahram. Et bien ça aussi, c'est haram. Et bien tu vois des jeunes femmes musulmanes qui vont dans les pays de Kufr et puis par la suite qui habitent avec des hommes, des colocataires et des trucs comme ça. Yani. Et qui disent, mais non, on peut faire confiance, on est des adultes, on est capable de se contrôler. Auzubillah. Voilà comment les shaitans les ont trompés. Et bien entendu, ils sont tombés dans zina, et après c'est l'avortement, et après c'est d'autres problèmes. Yani, auzubillahi min dhalik. Donc ça, c'est juste pour vous avertir en même temps à ce sujet-là. Donc on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit même à des hommes qui s'en allaient dans le jihad fi sabilillah de partir lorsque leur femme allait en voyage, et il leur a dit quittez l'armée ou sortez de l'armée et allez avec vos femmes faire le hajj, ça c'est mieux. Et dans un autre hadith, le cheikh il mentionne fi sahih, il dit qu'il n'est pas permis à une femme de voyager de la distance d'une nuit et d'un jour sans qu'elle ait avec elle un mahram. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Et aussi il y a d'autres hadiths qui disent la tusafiru al-mar'a illa ma'a dhi mahram, sans la mention d'une nuit et d'un jour. Et donc dans ce cas-là, ça vient spécifier encore plus que même si c'est pas la durée d'un jour et d'une nuit, dans ce cas-là c'est pas permis pour la femme de voyager sans un mahram. Hein, ça c'est clair. Et y a pas de moyen dans ces hadiths-là de spécifier ou de dire comme certains qui disent non, il faut que si c'est en avion, c'est pas grave parce que l'avion ça va vite et des trucs comme ça. Même en avion, c'est pas permis pour la femme de voyager seule. Y a souvent des avions qui sont retardés ou qui sont obligés d'atterrir ailleurs parce qu'il y a une tempête ou quelque chose. Des inconvénients qui se produisent, et donc la femme se retrouve toute seule, il n'y a personne qui est avec elle pour la protéger, et donc ça c'est très grave, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive dans des situations pareilles. Tandis que s'il y a un homme avec elle, bien entendu, il va la protéger, il va prendre soin d'elle, donc surtout si c'est avec son mahram, il faut qu'elle voyage avec son mahram. Et il y a des femmes qui partent au hajj ou qui veulent partir au hajj toutes seules, sans mahram. Et elles pensent qu'en faisant ça, elles font le bien. Alors qu'elles désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait pas partie du bien. Et le cheikh il dit donc qu'il y a des textes comme ça qui montrent que c'est interdit pour la femme de voyager sans un mahram. Et que son mahram doit voyager avec elle. Peu importe que son voyage soit pour le hajj ou autre que le hajj. Ça c'est pour fermer la porte à toute corruption et à toute fitna pour la femme et pour les hommes. Et l'imam Ahmed il dit rahimahullah que pour la femme le mahram fait partie de as-sabil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man istata'a ilayhi sabila, celui qui possède le moyen, et ben le mahram fait partie de sabil pour la femme. Et ce n'est pas permis pour elle de faire le hajj si elle n'a pas un mahram. Après, il dit wa mahramul mar'a huwa zawjuha aw huwa man yahrumu alayhi nikahuha tahriman mu'abbadan binasab ka akhiha wa abiha wa ammiha wa ibn akhiha wa khaliha أو حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها لما في صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. Donc le cheikh il dit que le mahram de la femme, c'est qui? C'est son mari. Ou celui qui n'a pas le droit de se marier avec elle, d'une interdiction sans limite, c'est-à-dire une interdiction pour toujours. C'est-à-dire il n'aura jamais le droit de se marier avec elle, comme par exemple son frère, son père, son oncle, ou le fils de son frère, le fils de son frère, ou le fils de ou son oncle maternel, ou son oncle paternel, ou le fils de son frère, c'est-à-dire son neveu. Et ou celui qui est interdit pour elle à cause de son nasab. Ça, c'est le nasab, c'est les liens de parenté, comme par exemple le frère, le père, l'oncle, le neveu et l'oncle maternel. Et ou bien qui est interdit à cause d'une cause qui s'est rajoutée ou qui est apparue à cause de l'allaitement ou bien à cause d'un mariage. Par exemple, le frère de lait. Le frère de lait, c'est un mahram. Il n'a pas le droit d'épouser cette femme parce qu'il est, il a allaité de la même femme que cette femme. Donc, dans ce cas-là, il est son frère de lait et donc il a le droit de faire le hajj avec elle. Ou bi musahara, c'est-à-dire, par exemple, zawj ummiha, le mari de sa mère. Par exemple, la femme, sa mère, elle est remariée avec un autre homme. Eh bien, cet homme-là, il devient un mahram pour elle. Ou bien, le fils de du mari de sa fille, le mari de sa fille. Par exemple, une femme, elle est mariée avec un homme. Une femme, sa fille est mariée avec un homme. Eh bien, le mari de sa fille est un mahram pour elle. D'accord? Et comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, il n'est pas permis. لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله أن تسافر إلا معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. Ça c'est rapporté par Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri. Il dit il n'est pas permis pour une femme qui croit en Allah de faire un voyage, excepté qu'il y a avec elle son père ou son frère ou son mari ou son mari, ou akhuha, ou son frère. Oui, c'est ça. Oui, pardon, je me suis trompé au début, j'avais dit son frère, mais c'est son fils, oui. Elle ne peut pas voyager excepté s'il y a avec elle son père, ou son fils, ou son mari, ou son frère, ou un mahram pour elle. Ça, c'est le hadith. Le shaykh dit, wa nafaqatu mahramiha fi safar alayha fa yashtaritu لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهبا وإيابا. الشيخ dit qu'elle doit, en plus de posséder l'argent qui est nécessaire pour elle pour faire le hajj, elle doit aussi, il y a comme condition qu'elle fournisse à son mahram qu'est-ce qu'il lui faut pour faire le hajj également. Et bien entendu, en principe, c'est souvent c'est le mari qui paye le hajj pour la fille, pour la femme, ou bien le père qui paye pour sa fille le hajj et qui l'amène avec lui faire le hajj. Donc c'est normal que dans ce cas-là, c'est son mahram qui va dépenser pour elle pour faire le hajj, parce que là c'est obligatoire. Mais supposons que par exemple la femme est divorcée ou bien veuve, ou bien qu'elle n'est pas mariée et qu'elle veut faire le hajj, dans ce cas-là, elle doit fournir à la personne qui va faire le hajj avec elle l'argent pour faire le hajj avec elle. C'est elle qui doit payer pour le mahram, si elle a les moyens, bien sûr. وَمَنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا وَفَرَطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى فَقَدَتْهُ مَعَ قُدْرَتِهَا الْمَالِيَّةِ انتظرت حصوله فإن أيست من حصوله استنابت من من يحج عنها. Le cheikh il dit que si elle a trouvé un mahram mais que elle a retardé jusqu'à ce que, par exemple, elle a perdu sa capacité financière pour faire le hajj, dans ce cas-là, elle attend jusqu'à ce qu'elle soit capable de le faire. Et si elle a perdu l'espoir de pouvoir trouver un autre mahram, À ce moment-là, dans ce cas-là, elle peut payer, demander à quelqu'un de faire le hajj pour elle. Si elle perd l'espoir de pouvoir le faire le hajj elle-même, elle peut payer quelqu'un pour faire le hajj à sa place, pour elle. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج واستنيب عنه من يؤديه عنه لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Le cheikh il dit que si c'est obligatoire pour une personne de faire le hajj, mais que la personne est morte avant de l'avoir fait, dans ce cas-là, on fait sortir de ce que la personne a laissé, de son argent, ce qui est nécessaire pour faire le hajj à sa place. Hein? Donc, par exemple, la personne est morte, elle a laissé de l'argent. Donc, on prend de l'argent, de cet argent-là, pour que quelqu'un fasse le hajj à sa place. Le cheikh, il rapporte un hadith rapporté selon Al-Bukhari, qui dit que Ibn Abbas a rapporté que une femme a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que sa mère avait fait le vœu de faire le hajj. Et qu'elle ne l'avait pas fait, et qu'elle était morte par la suite. Et la femme a demandé, est-ce que je peux faire le hajj pour ma mère? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, oui, fais ton hajj pour elle. Et il a comparé ça à une dette. Il a dit, si ta mère avait une dette, est-ce que tu l'aurais payé pour elle? Il a dit, oui, dans ce cas-là, ça c'est un droit d'Allah, alors il mérite plus d'être respecté encore que le droit des créatures. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج ووجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت كما يجب على وليه قضاء ديونه. Le cheikh il dit que il y a la preuve dans ce hadith que celui qui meurt alors qu'il avait un hajj à faire, alors dans ce cas-là c'est obligatoire pour son enfant, pour ses enfants, ou son wali, c'est-à-dire celui qui est héritier, de faire le hajj à sa place, ou de préparer quelqu'un, de donner à quelqu'un l'argent pour faire le hajj à sa place à partir de son capital, à partir du capital du mort. Comme kama yajibu ala walihi qada' duyuni, comme c'est obligatoire pour l'héritier de payer les dettes du mort également, à partir de l'argent que le mort a laissé, hein, et ou bien à partir de l'argent qu'il possède. Wallahu a'lam. À ce sujet-là, on va parler de ça lorsqu'on va arriver au chapitre des dettes. Il dit وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَيْنَ الْآدَمِ يُقْضَى مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَكَذَا مَا شُبِّهَ بِهِ فِي الْقَضَى. Donc, les savants sont d'accord pour dire que les dettes d'une personne, d'un être humain, elles doivent être payées à partir de l'argent de la personne. De même que, il y a eu la ressemblance dans ce hadith entre une dette et le fait d'avoir fait le vœu de faire le hajj. Et donc, il y a la comparaison entre les deux. وفي حديث آخر إن أختي نظرت أن تحج. C'est rapporté par Al-Bukhari. Ça c'est dans une autre version que c'était sa sœur qui avait fait le vœu de faire le hajj. Et dans Sunan al-Daraqutni, Inna abi mata wa alayhi hajjatul islam. وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه سواء أوصى به أم لا. الشيخ الذكر peu importe يعني dans ce hadith que ce soit, ah oui, parce qu'il y a le hadith, la version qui dit que c'est la sœur qui était morte, et il y a une autre version qui dit que ça c'est un autre hadith qui dit que quelqu'un, son père était mort et qu'il n'avait pas encore fait son hajj obligatoire. Le cheikh il dit que, qu'est-ce qu'on peut comprendre du sens apparent de ce hadith? C'est qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est obligatoire par la base de la charia et ce qui est obligatoire du fait que quelqu'un se l'ait fait ou se l'ait rendu obligatoire pour lui-même en faisant un vœu. Et donc, peu importe que la personne ait commandé de le faire ou non. Dans ce cas-là, ça reste obligatoire pour les héritiers de prendre l'argent pour faire le hajj à la place du mort dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas fait le hajj. والحج على الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ينوي الإحرام عنه و يلبي عنه ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسميه في اللفظ وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عن من سلم إليه المال ليحج عنه به. الشيخ يقول الحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه. Ok, la personne qui fait le hajj pour quelqu'un d'autre, c'est compté comme si c'était la personne qui l'avait fait elle-même. C'est-à-dire, la personne pour qui le hajj est fait, c'est comme si c'était lui-même qui l'avait fait. Quand tu fais le hajj pour quelqu'un, c'est comme si c'était cette personne-là qui le faisait. C'est compté comme si c'était la personne pour qui tu le fais, qui le fait lui-même. Et la personne qui le fait à sa place, il est comme, un garant, ok? Et un naïb yanoui al-ihram. La personne qui fait le hajj pour l'autre, qui fait le hajj pour la personne, elle doit avoir l'intention d'entrer dans l'ihram et elle doit prononcer la talbiya, la bayk Allahumma. حجاً ولبيك اللهم عمرة. Il fait le talbiya et c'est suffisant pour cette personne, de faire le talbiya, mais il faut qu'il prononce le nom de la personne pour qui il le fait. Et lorsqu'il fait les rites, il doit le faire en prononçant le nom de la personne. Toutefois, s'il ne prononce pas le nom de la personne, ça compte quand même. Hein? Et s'il ignore le nom de la personne et qu'il fait le talbiya, dans ce cas-là, il va faire le talbiya en disant, par exemple, la baika an man salima ilayya al-mal. Donc, il va dire, par exemple, la baika au nom de la personne qui m'a donné l'argent, parce qu'il ne connaît pas le nom exact de la personne. Et le cheikh, il dit aussi, que c'est recommandé wa yustahab lil muslim an yahujj an abawayhi in kana maytayn aw hayyayn ajizayn an al hajj wa yuqaddim ummuhu li annaha ahq bil bar bil bir. Le cheikh il dit que c'est recommandé pour un musulman de faire le hajj pour ses deux parents, et si ses deux parents sont morts ou vivants mais incapables de faire le hajj, dans ce cas-là, il fait le hajj pour sa mère en premier, parce que c'est elle qui mérite le plus de sa bonté envers elle. Hein? Donc il commence par sa mère. Donc ça c'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter maintenant, puis demain on continuera en ce qui concerne le hajj, en expliquant d'autres parmi les principes et les règles du hajj, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.